L'impératrice chinoise Xilinchi. Histoire vraie. L'empereur chinois Guangxi avait une favorite qui s'appelait Xilinchi. L'empereur, désirant que le peuple se souvînt de cette favorite, montra à sa femme le verre à soie et lui dit « Apprends ce que l'on peut faire de ce verre, comment on l'élève et le peuple ne t'oubliera jamais. » Xilinchi se mit à observer les verres et remarqua que lorsqu'ils mouraient, ils étaient enveloppés d'une fine enveloppe ou cocon, entourée d'une soie qu'elle fila. Et de ces fils, elle tissa un foulard. Puis, elle remarqua encore que ces vers préféraient les feuilles de mûrier. Alors, elle ramassa les feuilles de cet arbre et en nourrit les vers. Elle propagea l'espèce et enseigna au peuple la façon de l'élever. Depuis cette époque, 5000 ans se sont écoulés et les Chinois se souviennent encore de l'impératrice Xilinchi, en l'honneur de laquelle ils célèbrent une fête tous les ans.